Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique mensuelle au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Salut Yves. Comment ça va? Ça va et toi? En ce mois de novembre. Super. Donc, François qui est chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et ce mois-ci, on va faire un coup de projecteur sur une des actions portées notamment par la Fédération de Meurthe-et-Moselle, à savoir des travaux réalisés sur des berges dans le nord du département, avec 5 descentes aménagées pour le bétail. Et pour nous expliquer tout ça, le pourquoi du comment, nous accueillons Amélie Imbert. Bonjour. Bonjour. Qui est chargée de mission donc, pour la Fédération. C'est ça. Et qu'on avait déjà eu le plaisir d'accueillir donc, il y a quelques temps pour nous parler des annexes hydrauliques. Tout à fait. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, l'émission est toujours en écoute d'ailleurs sur le site de la radio, n'hésitez pas à aller l'écouter. De quoi allons-nous parler? On l'a dit, cette restauration de berges, pourquoi? Expliquez-nous tout ça. Juste pour situer un peu le contexte, dans le nord du département, là, on travaille sur la Crune, qui est un cours d'eau qui est donc fréquenté par les truites. Et donc les truites ont une manière de se reproduire assez particulière, donc elles vont pondre des œufs dans le substrat, donc le fond du lit de la rivière, et elles cherchent pour ça un substrat plutôt composé de petits graviers si vous voulez. Donc elles vont pondre dans ces petits graviers et après les œufs vont être oxygénés par le courant qui passe, donc on a besoin d'un fond en gravier par lequel le courant peut passer. Et donc là, on est sur un contexte assez agricole, avec pas mal de pâturage sur les bords de la Crune. Et donc les vaches veulent boire elles aussi, elles vont boire du coup dans la Crune. Et à chaque fois qu'elles descendent pour boire dans la Crune, elles vont emmener avec elles un peu de terre, et elles vont dégrader finalement les berges, et cette terre va finir dans la Crune, avec aussi les excréments des vaches, bien sûr, parce qu'elles aiment bien en même temps qu'elles boivent, hein, voilà. Et je vous cache rien, je vous apprends rien. Et donc voilà, toute cette terre et tous ces excréments vont arriver dans l'eau, et en fait, ils vont colmater ce substrat de petits graviers qui fait que les truites vont avoir du mal à pondre, et s'il y a des œufs, l'eau ne va pas pouvoir les oxygéner puisque ça va être colmaté par de la terre. La solution en fait est simple, c'est éviter que cette terre arrive dans le cours d'eau. Donc pour ça, on travaille avec l'association de pêche du secteur, la truite longue-lyonnaise, et les agriculteurs qui sont partenaires de l'opération. Et donc on travaille à cette restauration de berges. Donc il y a différentes choses. D'abord, donc c'est reconstituer les berges pour ramasser la terre qui descend dans le cours d'eau. Pour que les vaches puissent quand même boire, on installe du coup des abreuvoirs qui, techniquement, pour être exact, sont des descentes aménagées. Oui. On aménage donc des descentes pour que les vaches puissent aller jusqu'au cours d'eau, puissent boire sans aller dans le cours d'eau. Voilà, sans piétiner les berges avec leurs sabots. Comme ça, elles n'amènent pas la terre dans l'eau, elles vont juste pouvoir boire. Et donc, ça évite cet apport de terre et d'excréments dans le cours d'eau. Et comme elles ont plein de points d'abreuvoirs sur les parcelles, en général, avec l'agriculteur, on notifie un point qui sera l'abreuvoir, et le reste, on restaure toutes les berges, donc on les reconstitue, et on pose des clôtures pour éviter qu'elles redescendent par là. Quoi. Il y a eu 5 restaurations, il y en a beaucoup d'autres certainement à faire encore. On a un peu une petite idée du nombre de lieux comme ça qu'il faudrait faire. Si on devait décider aujourd'hui, ben voilà, on met tout, que ce soit propre pour ces animaux et pour protéger les truites notamment. Alors il y a déjà eu des opérations comme ça qui ont été menées par Amélie du coup l'année dernière, sur 4 ou 5... Alors, on a déjà fait 5 abreuvoirs l'année dernière, plus tout ce qui va avec les poses de clôture et les restaurations de berges. On en a fait 7 cette année. Donc, finalement, on n'a pu faire que 5 à cause des conditions météo. Donc, il y en a 2 qui seront faits l'année prochaine. Et on travaille justement à en refaire encore au moins 3 ou 4 l'année prochaine, au moins 5 l'année encore d'après. Donc, on ne manque pas de travail pour ces opérations-là. Quoi. Avec un travail en collaboration avec les agriculteurs, oui, c'est oui, leur demande ou c'est vous qui allez les voir pour dire ben voilà, ce secteur-là, il faudrait faire quelque chose? Alors pour être exact, c'est l'association de pêche locale, la truite longue-lyonnaise, qui va voir les agriculteurs, puisque c'est elle qui échange avec eux. Et donc il faut leur accord, bien sûr, pour travailler sur la parcelle. Et alors au départ, il y a une certaine réticence parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'on veut faire. Donc on trouve les premiers ont accepté, on a travaillé avec eux et tous les autres, parce que le monde agricole est petit, hein, donc toutes les informations circulent vite. Et maintenant, ils sont vraiment contents, ils attendent qu'on vienne chez eux en fait, quoi, pour travailler sur ces berges-là. Quoi. Donc c'est la deuxième année que vous le faites ou ça a déjà démarré? C'est la deuxième année. C'est la deuxième année, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, oui. On ne manque pas de travail. Là, on a prévu de continuer encore sur 3 ans, donc ça fera en gros 5 ans avec, par petites étapes, on avance sur les différentes berges de la Crune et au final, on aura fait quasiment tout le linéaire sur lequel l'association de pêche est présente. Quoi. Donc ça demande combien de temps pour restaurer ces lieux? Alors le temps de travail sur place pour l'entreprise n'est pas très long. Les dossiers avant prennent beaucoup plus de temps. C'est ça, ouais. La partie réglementaire est toujours plus longue. Et en fait, il y a un gros travail de repérage avant pour estimer les endroits où il faut aller, discuter avec le propriétaire pour voir quel endroit il serait mieux de poser, d'installer l'abreuvoir, etc. Voir les accès, réaliser le dossier, le déposer à la DDT parce qu'on n'a pas le droit de faire ça sans un accord de la DDT. Il y a un temps d'attente justement de traitement de dossier et après seulement on a le feu vert et on peut y aller, quoi. Et votre rôle alors, c'est plus les dossiers, c'est le prendre contact. C'est ça, les dossiers. C'est... On travaille en partenariat avec l'association de pêche qui est très motivée, donc c'est plaisant de travailler avec eux. Ils gèrent le côté discussion avec l'agriculteur beaucoup. Moi, je fais la partie vraiment réglementaire qui est donc la plus compliquée et celle qu'ils ne maîtrisent pas en fait. Mm-hmm. Et après, on travaille de concert donc sur ces dossiers-là, mais chacun a un peu son travail là-dedans, quoi. D'accord. Et vous avez déjà une idée sur la saison prochaine où ça va se faire les autres travaux? Oui. Donc on a déjà travaillé. Donc c'était sur Pierrepont cette année. L'année prochaine, on en fera une partie sur Arancy-sur-Crune. Toujours dans le nord du département, oui, dans ce cas. C'est ça. Hein, toujours sur la Crune. Là, c'est vraiment l'opération Crune. Voilà. C'est vraiment l'opération Crune. Voilà, c'est ça. Et après, il y aura d'autres lieux aussi, peut-être. Ah oui, c'est pas sur le sud département, c'est voilà. Non, non, là, c'est vraiment parce qu'on avait une motivation locale qui était très forte. Donc, on a démarré ces travaux avec sur la Crune, mais ça, c'est des choses qui peuvent se faire sur plein de cours d'eau. Si vous promenez, vous êtes vigilant, vous verrez que des zones de berges piétinées par le bétail, il y en a partout, en fait, quoi. Voilà. Et sur le site de la fédération, il y a quelques photos pour montrer le avant-après. Voilà. C'est assez édifiant, d'ailleurs. Hein. On voit vraiment des lieux très abîmés. Et après, bah, c'est tout beau. Mais c'est oui, tout c'est propre. C'est gravillonné. Il y a des petites barrières pour, et bien sûr, les abreuvoirs, parce qu'il ne faut pas empêcher non plus le bétail de boire. C'est voilà, ça. C'est le principe. Et puis on est pas mal en termes de timing, hein, j'ajoute, hein, je me permets, parce que on en profite pour dire que la reproduction, enfin les truites fario se reproduisent. Ça va pas tarder, c'est en ce moment jusque janvier là. Donc voilà, les travaux sont finis, elles pourront avoir un beau substrat bien propre pour faire leur nid et pondre leurs œufs. C'est ça. Et faire des belles petites truites. Voilà, surtout que les truites, c'est assez fragile, et on en a déjà parlé dans cette émission, donc c'est ça. Faut les bichonner. Exactement. Tout à voilà, fait. C'est bien d'aller voir aussi les photos avant-après, là on est à la radio, on en parle, c'est très bien, mais n'hésitez pas à aller sur le site de la Fédé, c'est vrai que c'est assez édifiant de voir justement la transformation, entre guillemets, de ces berges-là. On voit vraiment des zones boueuses piétinées par le bétail, et après une zone vraiment propre avec des... Voilà, des belles barrières, l'eau qui arrive quand même pour que les bovins puissent aller boire, c'est pas mal. Bravo pour ce travail. Si des agriculteurs souhaiteraient aussi faire ce genre de travaux sur leur parcelle, est-ce qu'ils peuvent faire appel directement à la fédération, voire directement avec les associations locales pour, voilà, j'aimerais aménager cet endroit pour justement protéger ces berges. C'est possible ça? Bah, c'est possible, il y a plein d'acteurs qui peuvent le faire. Déjà dans le monde agricole, je pense que la chambre d'agriculture peut être de bons conseils dans un premier temps pour les agriculteurs. Et après, nous, on interviendra uniquement sur les zones où on a des associations de pêche, mais ils peuvent aller contacter les pêcheurs, également la Comcom, la chambre d'agriculture. Il y a beaucoup de monde hein, qui travaille sur les rivières et qui est prêt à faire ce type de travaux. Et bien sûr, on retrouve toutes les informations concernant cette action sur le site de la fédération www.pêche-54.fr. François, pour terminer, on se retrouve le mois prochain. On se retrouve au mois de décembre pour discuter et parler et présenter les différentes cartes de pêche dont la vente démarrera pour la saison 2023 à partir du 15 décembre. L'occasion de dire que ça peut être un beau cadeau de Noël. C'est ce que j'allais dire. Merci François et merci encore Amélie. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.